Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur Radioactive maintenant. Et vous savez pourquoi, c'est pour le nouveau numéro de Cinémania. Et oui, l'émission qui vous fait faire le tour des sorties et des événements ciné de la semaine. Et bien sûr, on commence à notre habitude par les sorties et particulièrement les sorties francophones. On retrouve d'abord au studio un nouveau documentaire portrait signé Stéphane Lifshitz et nommé Madame Hoffman. Donc dans son nouveau long métrage, le réalisateur a suivi pendant 2 ans Sylvie Hoffman, infirmière d'un hôpital marseillais qui y travaille depuis plus de 40 ans et qui s'apprête à prendre sa retraite. Encore un très beau portrait de femme de la part du réalisateur et plus largement d'une profession aujourd'hui en grande difficulté avec les restrictions budgétaires de l'hôpital public. Et tout de suite, on vous propose un extrait de la bande-annonce. Il faut savoir qu'une infirmière, elle tient 7 ans maximum sur les statistiques. 7 ans. J'ai tenu 40 ans. Il valait mieux que la carapace, elle soit dure. Je me dis que j'ai vécu des milliards de vies dans une vie. J'ai vu des choses que personne n'aura vues dans une vie et ça m'a complètement changée. Et là, comment vous vous sentez aujourd'hui? Là, ça va beaucoup mieux. Toi, tu en as fait des heures sup à l'hôpital, hein? Et avec mon père qui t'aidait pas beaucoup. Je me retrouve avec 2 infirmiers, des fois qu'une aide-soignante au lieu d'en avoir 2. J'ai plus de place. Non, mais je sais jamais à l'avance. La température, elle se prend dès la première seconde où tu rentres dans le service. Elle qui est encore en arrêt. Elle en arrêt. Donc je n'ai plus personne. Je le vois qu'elle est tout le temps à Notre-Dame. Vous la voyez? Eh oui, je la vois. Non, mais ce qu'il faut surtout, c'est arrêter. Hein. N'importe qui prendra ta place et on fera pas tant de cinéma. J'ai envoyé ma lettre de départ à la retraite, ça y est. Très mauvaise nouvelle, cette affaire. Et concernant votre successeur? Qui te remplace? Personne. Mais vous allez réfléchir, voir si vous pouvez pas prolonger un petit peu. Ma mère, elle a dit qu'elle allait venir prendre un thé avec nous aussi. Mais c'est moi, votre mère. Mais ma deuxième mère. Ne me faites pas le coup d'embrouille de, dans un mois de me rappeler, de me dire que c'est pas bon, parce que je crois que je fais une dépression nerveuse. Hein. Je crois que mon cerveau, pendant 40 ans, il n'a jamais été au repos. Je pense que ça va être ça le plus dur. Vivre, quoi, vivre. Demander si je comptais pas faire autre chose pendant la retraite. Et reste tranquille, repose-toi. Côté fiction française qui sort cette semaine, on retrouve d'abord un film non pas français mais belge, nommé Quitter la nuit, un mi-chemin entre thriller et drame judiciaire réalisé par la réalisatrice Delphine Girard. Ce film, qui a obtenu le prix du public à la dernière Mostra de Venise, démarre de manière très mystérieuse par un appel téléphonique entre une jeune femme dans une voiture et une policière sur une ligne d'urgence. On va très vite comprendre que quelque chose ne va pas et qu'il semble que la jeune femme ne puisse pas s'exprimer librement, puisqu'elle est en présence d'un agresseur. Et finalement, au fil du film, on va comprendre que la réalisatrice cherche à retracer le parcours complexe des victimes d'agressions sexuelles, notamment dans les semaines qui suivent leur agression, où les enquêtes policières sont souvent longues et difficiles à vivre. Et ce film est à retrouver au studio. Cette semaine, on retrouve aussi de l'animation au programme des sorties françaises avec le film Maya, donne-moi un titre, du réalisateur français Michel Gondry, qu'on connaît bien plus pour ses œuvres cinématographiques qui ne sont pas de l'animation, comme Eternal Sunshine of the Spotless Minds ou encore plus récemment Le Livre des Solutions avec Pierre Niney. Dans ce nouveau long métrage, toujours raconté par Pierre Niney à la voix française, on suit Maya et son papa qui vivent dans différents pays et qui cherche quand même à garder le lien. Pour cela, tous les soirs, le père de Maya lui demande « Donne-moi un titre ». Et à partir de celui-ci, il va créer une bande dessinée qu'il va ensuite lui raconter. Et c'est aussi à retrouver au studio. Et enfin, la dernière sortie francophone de la semaine, on peut la retrouver soit au studio, soit au CGR des Deux Lions, et ça s'appelle Rosalie, de la réalisatrice Stéphanie Di Guisto. Avec un casting plutôt 5 étoiles, hein, puisqu'on y retrouve Benoît Baginel, Benjamin Biolay et Nadia Tereski-Switz dans le rôle titre. On y suit donc Rosalie, une jeune Bretonne à la fin du 19e siècle qui est mariée à un homme plus âgé qu'elle, qui accepte surtout de le faire pour la dot qu'il va en tirer. Sauf qu'il ne sait pas, au moment de l'épouser, que la jeune femme a un lourd secret. En effet, elle a une pilosité particulièrement importante sur son visage et son corps, ce qui l'oblige à se raser quotidiennement. Ce que son mari et toute la communauté locale vont bien sûr vite apprendre. S'ensuit donc une observation sur le poids du regard des autres sur le personnage de Rosalie, au travers de scènes souvent violentes de lynchage et de rejet. mais Rosalie va tenter d'y survivre et même de tirer profit de cette différence. Ce portrait de femme est d'autant plus intéressant qu'il s'inspire d'une vraie histoire, celle de Clémentine Delay, qui a vécu dans les Vosges à la fin du 19e siècle. Et tout de suite, un extrait de la bande-annonce. Elle sait faire beaucoup de choses, hein. Elle sait lire, elle sait même écrire. Vous avez l'argent ? Tu crois vraiment qu'il comprendra ? Je le connais très peu, moi. Je dois vous dire quelque chose. Je ne veux pas d'une vie sans enfant. C'est un peu tôt, non ? Ça doit être quelque chose. Quelqu'un qui vous aime comme ça, sans condition. Ah ! Reste pas encore, s'il te plaît. Tu dois vivre ta vie de femme. Laissez-moi vous regarder. Mon père a essayé tous les remèdes quand j'étais petite. Vous êtes née comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux. Monstrueux ? C'est ça ta dot. Et le reste ? J'ai besoin encore un peu de temps. Quel temps ? Il n'y en a plus du temps. J'espère juste que vous soyez différent. Et moi que vous soyez comme les autres. La dernière fois, vous me demandiez si c'est un vrai phénomène de foire. Une femme à barbe, ça s'en est. Hein. Suffirait que je laisse pousser la mienne. Qu'est-ce qui vous a pris ? Comment vous allez faire avec vos têtes ? Ça fait venir les clients. Faites pas ça. Ils vont vous humilier. Vous êtes belle, Rosalie. Je vous fais pas trop honte. C'est un enfant, vous, là. C'est pas un mari. Elle en a les couilles sous ses poils. Vous partez chez moi ! J'ai jamais demandé ça à moi ! Ça vous amuse bien, cette petite comédie ? C'est pas une femme, ça. Cette semaine, il n'y a pas que des sorties françaises. Et oui, on a aussi des sorties anglophones. Et on retrouve quelques sorties très attendues, notamment le nouveau volet de la grande série Ghostbusters, nommé SOS Fantôme, la menace de glace, et réalisé par Gilles Canan, qui nous avait déjà concocté le précédent opus de la franchise. Le casting reste le même que le précédent, avec Paul Rudd et Finn Wolfhard dans les rôles principaux. Dans cette nouvelle aventure, on va se retrouver à New York, alors que la découverte d'un ancien artefact entraîne la libération de nombreux fantômes très anciens et très dangereux. Alors, les Ghostbusters vont devoir se réunir pour empêcher une fin de l'humanité. Nous avons tous connu des expériences, des rencontres avec l'inconnu et l'inexplicable. Ici, nous rachetons au prix fort vos possessions possédées. Alors ça, c'est tout à fait fascinant. $40 et c'est à vous. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Jamais. 60. New York connaît une vague d'attaques de fantômes. SOS Fantôme, vous voulez quoi ? Et nous, nous sommes les seuls. Attention, ça va secouer. À avoir les moyens de riposter. Bienvenue au nouveau centre de recherche paranormale. Vous laissez traîner vos fantômes? On a passé 40 ans à les chasser. Maintenant, on peut les étudier. Oh, il est trop chou. Depuis que vous avez ramené cet orbe, d'étranges phénomènes se produisent. Les esprits lui obéissent. Il y a un truc qui essaie de sortir ? Pas qu'un seul. On pourrait être face à une véritable armée de fantômes, dotée du pouvoir de tuer. Par la peur elle-même. Quoi ? On peut mourir de peur ? Ouais, c'est tordu ça. Alors, on fait quoi ? On est SOS Fantômes. On défendra notre QG. On se met en tenue et on détruit tout ce qui fait peur. Cet orbe, d'après la prophétie, précipitera la fin de l'humanité. Une secondaire glaciaire. Dans les sorties américaines, on retrouve aussi de l'horreur avec le film La Malédiction, l'origine, réalisé par Arkasha Stevenson. Ce film raconte l'histoire d'une jeune nonne américaine envoyée à Rome, où elle va rapidement entrer en contact avec des forces mystérieuses et violentes qui vont remettre sa propre foi en question et même l'intégrité de l'Église, alors qu'il semble qu'un complot est à l'œuvre pour donner naissance à l'incarnation du mal. Rien que ça. Et ça promet donc de très belles nuits blanches. Dans les sorties de la semaine, on retrouve aussi du cinéma japonais au programme, avec le réalisateur Ryusuke Hamaguchi, qui revient après les films Drive My Car et Conte du hasard, avec un nouveau long métrage nommé Le mal n'existe pas, où il suit un père et sa fille qui vivent en parfaite harmonie avec la nature et les animaux près d'un lac dans une forêt. Jusqu'au jour où un projet de camping de luxe arrive sur cette zone naturelle et risque bien de bousculer ce fragile équilibre. Et enfin, dans les sorties de la semaine, on retrouve un film d'animation espagnol destiné au plus jeune public, mais qui ravira également les adultes. C'est le film Les Aventures de l'Arche de Noé, où l'on suit les personnages de Vinny et Tito, deux petites souris qui rêvent de devenir des stars du musical, mais qui voient leur rêve tomber à l'eau, et c'est pas moins de le dire, lorsque le déluge recouvre la terre. Elles vont donc parvenir à s'échapper en rentrant dans l'Arche de Noé. Cependant, sur ce bateau où sont mélangés carnivores et herbivores, les tensions vont très vite monter. Alors, nos deux acolytes trouvent une solution parfaite pour calmer tout le monde. Créer un concours de chansons. Maintenant, on passe du côté des avant-premières et on retrouve d'abord ce lundi 15 avril dès 19h15. Une avant-première à retrouver au CGR Centre avec le film dystopique Civil War qui aura le droit à une sortie nationale le mercredi suivant. On retrouve aussi de l'animation pour satisfaire les plus petits dans les avant-premières de la semaine avec le nouveau volet des films Pat et Matt, les deux fameux bricoleurs. Et c'est à retrouver au studio de Tours ce samedi 13 avril à partir de 16h. Et maintenant, on se penche sur les événements de la semaine en Touraine. Et on a d'abord, dans les événements ciné, de la musique avec la diffusion d'un concert au CGR des Deux Lions, avec le concert d'un des anciens membres du groupe de K-pop BTS, le chanteur nommé Suga. La première projection de son concert aura lieu jeudi soir à partir de 20h et la seconde samedi dès 18h. Toujours jeudi, mais du côté des studios, se tiendra une nouvelle soirée ciné-débat organisée en partenariat avec le CNP et l'association Sans Canal Fixe, avec comme thématique pour ce mois-ci « Habiter sa vieillesse ». Au programme de la soirée, dès 19h45, on retrouve la diffusion du film documentaire « La résidence des sourires » de Franck Lacardonnel. Et ce sera suivi d'un débat avec le réalisateur, un membre de l'association HV et une assistante sociale. Au programme cette semaine, c'est aussi le moment du Nikon Film Festival, dont le CGR de Tours Centre est partenaire. Ainsi, ce vendredi 12 avril, à partir de 20h, les 50 très courts métrages finalistes de cette édition seront diffusés. Ils durent tous environ 2 minutes 30 et sont sur la thématique du feu cette année. Samedi, les studios nous proposent une nouvelle séance ciné-club jeune avec le film de 2019, Atlantique, à découvrir ou redécouvrir dès 16h30. Et en plus, après la séance, vous aurez le droit à un blind test sur les musiques de films suivi d'un apéro, donc il n'y a vraiment pas de raison de rater cet événement. Et pour ce week-end, toujours dimanche matin, on retrouve à 10h45 au CGR de Tours Centre, pour la première fois au cinéma, le film de Disney, Luca, sorti en 2021, qui en effet à l'époque n'était sorti que sur leur plateforme de streaming. Et on finit les événements ciné de la semaine avec ce qui se passe ce lundi 15 avril. Et on a pas mal de choses au programme, avec d'abord un nouveau numéro de la Cinémathèque au studio qui propose cette semaine la projection du film La Passion Béatrice de Bertrand Tavernier, sorti originellement en 1987. La séance débutera à 19h30. Et enfin, au CGR Centre aussi, il y a de quoi faire ce lundi soir avec un nouveau ciné-débat organisé par la Cépante que l'on vous recommande chaudement à Radioactive. Et ce mois-ci est diffusé le film de 2006, Les Fils de l'Homme. La séance sera en VO sous-titrée française et débutera à 19h30. Voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro de Cinémania sur Radioactive. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de ciné. En attendant, foncez dans les salles.